Document 4, page 30. Tu as de bonnes relations avec tes collègues ? Excellente ! Quelquefois, le samedi soir, on mange au restaurant, on discute. C'est bien. On se parle plus qu'au bureau, c'est différent. Ah, c'est sympa ! De temps en temps, on fait un pique-nique avec la famille. On se promène à la campagne. Et toi, tu ne sors pas avec tes collègues ? Non, rarement. On ne se déteste pas, mais... Nous, on s'aime bien ! On se téléphone et on se rencontre souvent le week-end. Moi, le week-end, j'aime bien rester tranquille. Je fais du bricolage dans la maison, je répare des petites choses. Et ta femme, elle bricole aussi ? Non, elle fait du jardinage, elle adore les fleurs. Et une fois par mois, on rend visite à mes parents. Ils habitent à la montagne. On fait un grand repas avec mes frères et sœurs.